Expulser mon dard dans ce guépier, c'est une question de timing. Sous-estime personne, c'est un bon conseil d'ennemi. C'est grillé, la réussite est liée à une question de retenue. Questionne même plus, les réponses arrivent tôt ou tard. Mon dard dans ce guépier, c'est une question de timing. Sous-estime personne, c'est un bon conseil d'ennemi. C'est grillé, la réussite est liée à une question de retenue. Combien ils sont allés, combien en sont revenus. T'aimes ou t'aimes pas, ils s'en foutent, c'est qu'une question de goût. L'essentiel est que ça fasse parler assez pour créer le doute. Ou des certitudes, tu veux un boost certifié, on fait le tri, on réécoute, c'est qu'une question de distance. Effectivement, mais qu'est-ce qui te prend, qu'est-ce qui te tente, qu'est-ce qui te manque est une question relative. À combien sont les tarifs est une question pratique. Et quels seront les risques est une question tactique. On se complique la vie pour des écrans tactiles. Sans bagages, partent en tournée, s'investissent dans le textile. Le chahut de la foule ou la quiétude de l'exil. Est-ce que ça en vaut la peine? N'est pas une question facile, encore du chemin à parcourir. Même pour ceux qui ont compris. L'argent se nourrit des gens, se nourrit du confort qu'ils veulent garder. Est-ce que les hommes sont fidèles? N'est pas une question crédible. Donc tu poses la question, mais t'as déjà pris parti. Ta thèse n'est pas la vérité, ciblée sur la répartie. La montée est lente, mais la descente sera rapide. Sans question inutile, est-ce que la vie paraît plus limpide? Comment se porte la famille est une question gratuite. Mon dard dans ce guépier, c'est une question de timing. Sous-estime personne, c'est un bon conseil d'ennemi. C'est grillé, la réussite est liée à une question de revenu. Questionne même plus, les réponses arriveront tôt ou tard. Mon dard dans ce guépier, c'est une question de timing. Sous-estime personne, c'est un bon conseil d'ennemi. C'est grillé, la réussite est liée à une question de revenu. Combien ils sont allés, combien en sont revenus. C'est pas du lèche que je t'amène, vu que c'est du lourd qui nous a bercé. Comme des spermatoses face à l'ovule qui doivent percer. Droit devant, s'obstine même si l'existence persiste à essayer de nous faire signe. Plus d'adversaires, serait-ce bon signe. Certains diront pas impossible, d'autres mettront tout sur le compte d'une question de point de vue. Question de véhicule, écriture, mon truc pour expulser mon dard hors de moi, sans ordonnance et voisinage. Hors demande du pas, dans toujours pas imprimé. Que la qualité a un prix, le tas. Faire ce qu'on aime n'est pas donné à tout le monde, faut que tu chopes l'occasion. À ceux qui fonctionnent au naturel, ceux qui ont besoin de dopage chimique pour trouver l'alchimie, préférant le bruit. Quand la nuit agitée vient étouffer le calme, la tête inclinée, dans mes pensées je bouge pas d'un iota. Moment questionnement, hein. C'est pas du Liège que je t'amène, ça vient de Liège, MC local. Tard dans ce guépier, c'est une question de timing. Sous-estime personne, c'est un bon conseil d'ennemi. C'est grillé, la réussite est liée à une question de revenu. Questionne même plus, les réponses arriveront tôt ou tard. Mon tard dans ce guépier, c'est une question de timing. Sous-estime personne, c'est un bon conseil d'ennemi. C'est grillé, la réussite est liée à une question de revenu. Combien ils sont allés, combien en sont revenus. Les réponses arriveront tôt ou tard ou pas. Tôt ou tard ou pas, tôt ou tard ou pas. Les réponses arriveront tôt ou tard ou pas. Question point de vue, quelles sont les questions que tu te poses. Les réponses arriveront tôt ou tard ou pas. Tôt ou tard ou pas, tôt ou tard ou pas. Les réponses arriveront tôt ou tard ou pas. Question point de vue. Expulser mon dard dans ce guépier, c'est une question de timing. Sous-estime personne, c'est un bon conseil d'ennemi. C'est grillé, la réussite est liée à une question de revenu. Questionne même plus, les réponses arriveront tôt ou tard. Mon dard dans ce guépier, c'est une question de timing. Sous-estime personne, c'est un bon conseil d'ennemi. C'est grillé, la réussite est liée à une question de revenu. Combien ils sont allés, combien en sont revenus.